Vous écoutez France Inter, il est 13h22. Tout de suite, Patrick Pénaud et ses rendez-vous avec X. L'affaire est curieuse. Dans les journaux de l'époque, en 1947, on l'a baptisé le complot des soutanes. D'autres ont parlé du complot des couvents ou du complot des capucins. Il est évident qu'il y a derrière toutes ces diverses appellations des appréciations politiques ou satiriques. C'est que l'affaire était considérable et bien embarrassante pour l'Église, car il ne s'agissait ni plus ni moins que de l'existence au sein des ordres monastiques, d'un réseau d'assistance et d'évasion en faveur des collaborateurs et des Français qui s'étaient compromis avec l'occupant ou qui s'étaient même engagés militairement à leur côté. 2 ans seulement après la fin de la guerre, cette révélation ne pouvait que faire scandale et déchaîner les passions. Monsieur X, qui m'a donné main de preuve de sa parfaite connaissance de l'époque et des multiples affaires qui l'ont éclaboussée, a des lumières très précises sur ce dossier. Peut-être même a-t-il joué un rôle dans la découverte de ce réseau. C'est en tout cas ce que j'ai cru comprendre au cours de ce nouvel entretien qu'il m'a accordé. Avant d'écouter notre conversation, un rappel. Lors de l'une de nos premières rencontres, M. X a évoqué l'existence du réseau Odessa, un réseau mis en place par les nazis bien avant la défaite du Troisième Reich et destiné à favoriser leur fuite après la victoire des Alliés. Cette filière d'évasion empruntait ce que l'on a appelé la route des monastères et permettait aux nazis de gagner l'Italie. Son principal organisateur était un adjoint de Bormann, Rauf. Celui-ci avait reçu l'aide de Mgr Alois Udall, le chef des catholiques allemands qui vivaient en Italie. Un évêque qui n'a jamais caché ses sympathies pour les nazis. Avec son aide, mais aussi celle d'un religieux croate, Draganovic, Rauf avait convaincu les moines d'accueillir le moment venu les réfugiés allemands sous le prétexte que les communistes allaient prendre le pouvoir en Italie. Il était donc de leur devoir sacré de protéger tous ceux que les communistes allaient pourchasser. Des moines, surtout des franciscains, ont accepté d'héberger ce réseau. Certains par conviction, d'autres par esprit de charité. Et il faut d'ailleurs souligner que ce sont parfois les mêmes qui ont protégé, caché les juifs et qui ensuite dissimuleront les nazis. Quoi qu'il en soit, grâce à Odessa, de nombreux criminels de guerre, et parmi eux quelques dignitaires nazis, ont pu gagner l'Italie, s'y dissimuler quelque temps, et gagner ensuite l'Amérique du Sud ou le Proche-Orient. Une filière d'évasion semblable existait-elle en France? Dans un instant, la réponse de M. X. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Pour bien comprendre l'émotion suscitée par cette affaire du complot des couvents, il faut se replacer dans le climat de l'époque. On sortait à peine de la guerre et l'atmosphère était électrique. Vous voulez parler de la situation politique? Bien sûr, le tripartisme était moribond. Mais c'est-à-dire le tripartisme, c'est-à-dire l'alliance gouvernementale entre le MRP, les socialistes et les communistes. Oui, et bientôt, le Parti communiste français, justement, va quitter le pouvoir. Le PC, qui ne cesse de clamer que l'épuration a été imparfaite, bâclée, et que de nombreux collabos sont passés à travers les mailles du filet quand ils n'ont pas tout simplement recouvré leur respectabilité après avoir été lavés de tout soupçon. C'était pas tout à fait faux, non? Vous avez parfaitement raison. L'épuration a été à géométrie variable. Oui. Dans certains milieux, celui des intellectuels, par exemple, l'épuration a été sans pitié. Il n'en a pas été de même pour les collaborateurs économiques. Oui, mais cette revendication d'une épuration pure et dure, hein, c'était aussi un peu le fonds de commerce du Parti communiste. C'est juste, et les journaux communistes vont faire leur chou gras de cette affaire. Autre chose, puisque nous allons beaucoup parler de religieux, l'Église, je veux dire l'Église officielle. La hiérarchie. Oui, cette Église, donc, s'était largement compromise avec Vichy, même si beaucoup de prêtres, à titre individuel, étaient très courageusement intervenus en faveur des Juifs, ou avaient participé à la résistance. Donc la question était très sensible. Oui, très sensible, oui. Et l'Église, c'est certain, était plutôt sur la défensive. Merci pour ces précisions. Et c'est donc en 1947 que l'affaire éclate. Hein. En mars, exactement. Et de quelle façon? Derrière, il y a encore un personnage dont je vous ai souvent parlé, Vibo. Le patron de la DST. La surveillance du territoire, oui. C'est-à-dire le contre-espionnage. Mais que vient faire Vibo dans cette affaire-là? C'est la DST qui était chargée de traquer les gestapistes, les anciens miliciens, les agents allemands. Rappelez-vous, c'est Vibo qui s'était occupé de Giovanovici, par exemple. Ah, ça, je me souviens très bien, oui. Il était donc tout naturel que la DST soit impliquée dans cette affaire. Parenthèse, vous avez bien connu Vibo. Très bien, oui. Ce n'était pas un personnage commode et il pêchait parfois par fanatisme. Mais c'était incontestablement un bon flic et un type redouté. C'est quand même un portrait en demi-teinte, hein. Oui, que voulez-vous, Vibo, c'est sûr, a profité de l'instabilité chronique de la 4e République. Il a fini par en prendre à son aise. Les gouvernements passaient, mais lui restait à son poste. Et il faudra l'arrivée du général de Gaulle pour qu'il quitte la direction de la DST. Ce qui est d'ailleurs injuste, puisque Vibo a participé activement au complot de mai 1958. Mais ainsi va l'ingratitude des hommes. Ouais. Enfin, de Gaulle se méfiait peut-être d'un homme qui, au fil des années, était devenu un policier un peu trop puissant. C'est certain, oui. Mmh. Autre question, avez-vous personnellement travaillé avec lui? Ouais, ça m'est arrivé, oui. Et dans cette affaire des couvents, là? Bah, disons que je me suis tenu très étroitement informé. Ouais, c'est pas une réponse, ça. Hein. Désolé, mais vous n'en saurez pas plus. Bah, je ne vois pas ce que vous pouvez risquer aujourd'hui en me révélant si ou non vous avez joué un rôle dans cette histoire. Vous oubliez nos conventions, monsieur Pénaud. Bah, ça y est, toujours votre adanima. Hein. Toujours, oui. Alors on continue ou on reste là? On continue, naturellement. Donc Vibo, début 1947, l'un de ses informateurs lui apprend que des religieux abriteraient des collabos recherchés par la police. Où? Dans leur couvent ou les institutions dont ils ont la charge. Maisons de retraite, établissements scolaires, etc. L'information est importante, hein? Tout à fait. Mmh. Et cet informateur donne des précisions. Les religieux en question ne se contenteraient pas d'héberger ces types, ils leur fourniraient aussi des faux papiers et de l'argent. Mmh. Ça signifie donc que le séjour de ces clandestins était provisoire. Oui, il s'agissait de préparer leur fuite vers l'étranger. Où exactement? L'Espagne ou l'Italie, et puis ensuite l'Amérique du Sud, qui a été, comme vous le savez, une véritable terre d'accueil pour tous les anciens nazis. J'ajoute que cet informateur laisse entendre que le réseau a des ramifications dans toute l'Europe. Mmh. Est-ce que l'indicateur donne des noms? Des noms de religieux? Bah oui. Je ne sais plus, mais il livre des renseignements très précieux sur les monastères qui hébergent ces criminels. Mmh. Justement, il sait qui sont ces criminels? Bah, il cite au moins deux personnages importants. L'un d'eux est un certain chef de bien. C'était un agent du service de renseignement allemand. Lors de l'offensive alliée dans l'est de la France, il avait été parachuté derrière nos lignes. Et il avait été chargé d'organiser des sabotages. L'autre n'est pas moins important, il s'agit de Jean de Gans. Et qui est celui-là? Ce type a été le chef des renseignements généraux de Vichy. Et il a été l'organisateur des sinistres sections spéciales. Ouais, qui ont jugé et condamné à mort de nombreux résistants. Au mépris de la légalité et de la justice. Ouais. Et ce de Gans, en tant qu'adjoint du chef de la milice, Darnan, avait été aussi le chef d'un personnage dont nous allons reparler, Paul Touvier. L'ancien milicien de Lyon. Oui. Ouais. Et qui lui aussi a bénéficié de la protection de nombreux religieux. C'est juste, mais je vous l'ai dit, nous en reparlons tout à l'heure. D'accord. Alors, quelle est la réaction de Vibo lorsqu'il recueille ces informations? Ben, il comprend tout de suite que l'affaire est délicate. Oui, parce que des religieux sont impliqués. Bien sûr, donc très vite, il alerte ses supérieurs hiérarchiques. Et qui sont Boursicot, le chef de la Sûreté, et au-dessus de lui, Depreux, le ministre de l'Intérieur. Depreux, qui était socialiste, je crois. Oui, oui, et qui ne pouvait donc être soupçonné de vouloir mettre l'Église catholique à l'abri d'un éventuel scandale. Mais il fallait aussi tenir compte de la composition politique du gouvernement. Oui, auquel appartenaient des catholiques. Oui, des ministres républicains, populaires, des hommes qui n'apprécieraient certainement pas beaucoup que la police se livre à des perquisitions dans les couvents. Enfin bref, l'affaire pouvait très bien mettre à mal le tripartisme. Alors, que fait-on? On ne bouge pas? Ah, c'est quand même difficile. Si réellement des criminels de guerre sont protégés en toute illégalité dans des couvents, le gouvernement ne peut quand même pas laisser faire. Alors Depreux dit à peu près ceci à Vibo. Enquêtez, apportez-moi des preuves incontestables et alors nous avisons. C'est une façon de se défausser. Non, je ne crois pas. Le ministre de l'Intérieur ne pouvait pas courir le risque de provoquer une grave crise gouvernementale sans disposer d'informations sérieuses et précises. Mmh. La balle est donc dans le camp de Vibo. Et connaissant son impétuosité, on pouvait être sûr que les choses n'allaient pas traîner. En fait, avant même de rencontrer son ministre, le patron de la DST savait déjà comment il allait agir. Roger Vibo a publié un livre de mémoire intitulé « Bataille pour la DST », écrit en collaboration avec le journaliste Philippe Berner et publié aux presses de la Cité. Il y raconte cette entrevue avec le ministre de l'Intérieur, Édouard Depreux et Boursicot. Le ministre et le chef de la Sûreté se montrent attentifs mais circonspects. Attention, disent-ils, c'est une affaire très délicate qui risque de provoquer sur le plan intérieur les plus graves retombées. J'en suis parfaitement conscient. Depuis le départ du général de Gaulle en 1946, règne une fragile coalition de socialistes, de communistes et de républicains populaires. Le ministère Ramadier repose sur un savant dosage de tripartisme politique. La moindre secousse pourrait faire chanceler dangereusement le laborieux édifice. Comment les républicains populaires du gouvernement, expression de l'électorat catholique et bien pensant, prendraient-ils une perquisition de la DST dans les couvents suspects? Ne crieraient-ils pas à la provocation, à la profanation anticléricale? Vibo, me dit Depreux, on ne peut pas faire couler le ministère pour une histoire de moine un peu félon. Certes, répliquai-je, mais on ne peut pas non plus laisser des miliciens libres et impunis. Et comme l'a dit M. X, le directeur de la DST va donc s'efforcer de réunir des preuves. Mais comment? Vibo est un spécialiste du renseignement. Il a d'ailleurs fait ses preuves à Londres, dans les services secrets de la France libre. Alors il va procéder de manière très classique. C'est-à-dire? Il va infiltrer l'un de ses hommes dans le réseau des soutanes. Un curé? Non, un type qui va se faire passer pour un collabo, pour chasser par la police. Un type qui va donc demander l'aide du réseau. Voilà. Et c'est une opération risquée, non? Oh, vous avez tout à fait raison. Cet espion doit avoir une légende, comme on dit dans les services. Et une légende parfaitement élaborée. C'est à cette seule condition qu'il pourra ne pas éveiller les soupçons, parce qu'il ne fait nul doute qu'on va l'interroger sérieusement avant de lui faire confiance. Ouais, il doit donc être capable de raconter par le menu comment il a collaboré. Et avec quel service allemand il a travaillé. Il doit être en mesure de donner des noms, des dates. Et il doit aussi posséder des papiers ou des documents qui attestent ses liens. Et qui est ce fameux bonhomme là? Un as. C'est en tout cas ce que m'a dit Vibo. Mais vous n'en savez pas plus? Non. En tout cas, ce type arrive à ses fins. Oui, mais comment il procède? Il sonne à la porte d'un couvent? Un couvent soupçonné d'être partie prenante du réseau. En fait, j'imagine que le premier contact a été un peu plus subtil. Il est peut-être d'abord allé voir un curé dont la DST savait qu'il avait eu des sympathies pour Vichy. Et de fil en aiguille... Donc, il réussit à s'introduire dans ce fameux réseau. Quand même. Exactement. Et il va de couvent en couvent. Il est, paraît-il, si crédible qu'on lui propose de rapidement de passer de l'autre côté des Pyrénées avec un petit groupe de miliciens. Mais j'imagine que ça ne l'arrange pas. Ben, bien sûr que non, ça va trop vite. Lui, ce qu'il veut, c'est en apprendre le plus possible sur le réseau des soutanes. C'est découvrir l'organisation, les complicités. Mais il lui est quand même difficile de refuser cette évasion qu'on lui propose. Alors tant pis, quelques heures avant de partir, il décroche. Il décroche, ça veut dire? Ben, il prétexte n'importe quoi, une dernière visite à sa famille ou je ne sais quoi. Et une heure après, il se trouve dans les bureaux de la DST. Le dernier couvent là où il a résidé se trouvait donc très près de Paris? Dans Paris même, chez les bénédictins de la rue de la Source. C'est dans le 16e arrondissement, ça se fait, oui. Alors cet espion vient raconter son histoire à Vivo. Et sa mission, même écourtée, est toutefois un succès. Non seulement il a identifié plusieurs maisons religieuses qui font partie du réseau, mais il sait aussi que rue de la Source se trouvent actuellement des miliciens. Actuellement, et des miliciens avec qui il va peut-être passer la frontière. Oui, donc les hommes de la DST peuvent agir en flagrant délit. Mais il faut faire vite. D'autant que si l'espion ne réintègre pas rapidement le couvent de la rue de la Source, les moines vont imaginer qu'il a été arrêté, donc ils vont prendre leurs précautions. Et faire partir les miliciens plutôt que prévu. Oui. Ouais. Alors Vibo fonce? Non. C'est vrai qu'il est impétueux, mais il n'est quand même pas fou. Il risque gros dans cette affaire. Il ouvre donc le parapluie? Ça y ressemble. Enfin, il prend son agent par le bras et tous deux se précipitent chez Boursicot. Boursicot, le chef de la sûreté. Oui, mais Boursicot lui-même répugne à donner l'ordre d'aller investir un couvent. Alors on passe à l'échelon supérieur, le ministre. Depreux, le ministre de l'Intérieur. Mais lui aussi, en politicien expérimenté, sait que c'est une bombe que lui apporte Vibo. Alors il décroche le téléphone interministériel et il appelle le président du conseil. Qui était Paul Ramadier. Vous savez, l'homme à la barbichette. Ah oui, le père de la vignette automobile. C'est juste, oui. Ramadier est socialiste, n'est-ce pas? Oui, comme Depreux. Donc il n'a pas d'objection de principe à autoriser une perquisition dans un couvent. Mais il faut aussi prévenir le garde des Sceaux, puis le procureur général. Et tout ça prend du temps. Oui. Mais les uns après les autres, tous donnent leur accord, et c'est le principal. Ouais. Vibo va donc enfin pouvoir agir. Et il envisage de frapper en même temps dans tous les couvents de la région parisienne qui lui ont été signalés par son agent. Mais au dernier moment, Boursicot émet une objection. Mais laquelle? Il juge que le patron de la DST ne dispose pas d'effectifs suffisants. Par conséquent, un autre service doit venir épauler ses hommes. Mais c'est vrai ça, ou c'est un prétexte? À l'époque, c'est incontestable. Les effectifs de la DST sont maigrelets. Mais il est certain que le pouvoir se méfie aussi de Vibo. Ici, je crois qu'il est intéressant de se reporter à nouveau aux mémoires de Vibo, je le cite. Là, je dresse l'oreille et je me demande comment ils vont s'en tirer. Ce qui est indéniable, c'est qu'ils ont peur. Ma réputation de fonceur les effraie pour la première fois. Boursicot, qui a pourtant vécu avec moi avec une certaine volupté l'aventure insensée de Fresnes et les détours de l'affaire Joinevici, rengaine son âme de combattant. Quelque chose me dit que le ministre et le chef de la sûreté se sont longuement concertés pour savoir qui diable il pourrait bien m'adjoindre pour me tempérer et contrôler ma fougue naturelle. En principe, dans le cadre d'une opération menée à Paris, il devrait puiser les renforts dans les services de la préfecture de police. Mais, comme précisément c'est la guerre, et même une guerre sérieuse, non seulement entre la PP et la DST, mais également entre la PP et la Sûreté Nationale, ils ont très vite écarté cette possibilité. Alors, que vont-ils inventer ? Finalement, il est décidé que ce sont des policiers des renseignements généraux qui vont donner un coup de main à Vibault. Et ce dernier accepte, hein ? Il n'a pas le choix. Ouais. Il est tellement pressé d'agir qu'il doit bien se plier aux injonctions de son chef. Bah alors cette fois, ça y est, les perquisitions vont pouvoir commencer. Hein. Une seule perquisition d'abord. Ah, chez les bénédictins de la rue de la Source ? Oui, c'est seulement si cette première opération est couronnée de succès que les équipes chargées des autres couvents interviendront à leur tour. Ouais. Et comment ça se passe, cette première perquisition, hein ? Le lendemain, à l'heure du laitier, Vibault et ses hommes frappent à la porte du couvent de la rue de la Source. Ouais. Et de quelle façon sont-ils accueillis ? Comme vous pouvez l'imaginer. Ça ne vient pas très bien. Naturellement. C'est le frère Portier qui ouvre, mais il ne peut pas prendre la responsabilité de faire entrer des policiers sans l'autorisation du père supérieur. Malgré le mandat de perquisition ? Vibault est un fonceur, je l'ai dit, mais il ne veut pas trop brusquer les choses. Alors il demande au frère Portier de le conduire auprès du père supérieur. Pas de chance, celui-ci est en train de dire sa première messe. Et donc pas question de le déranger. Bien sûr. Vibault ronge son frein et décide d'attendre. Au bout de quelques minutes, il n'y tient plus. Et malgré le frère Portier, il se précipite vers la chapelle. Il est décidé à interrompre la messe ? Non, mais il veut au moins s'assurer qu'on ne se fiche pas de lui. Et lorsqu'il pousse la porte de la chapelle, il entend le tintement d'une clochette et il voit le père supérieur qui lève le calice en direction de la croix. L'élévation. Je vois que vous n'avez pas oublié votre catéchisme. Je vous en prie. En tout cas, ça signifie que la messe va bientôt se terminer. Oui, donc Vibault referme la porte et patiente encore un peu. Mais ça dure. Alors il entrebâille à nouveau la porte et la nouvelle clochette, nouvelle élévation. Deux élévations, mais c'est une forme de messe inédite. D'autant que ça se reproduit une troisième fois. Alors Vibault se fâche. Il est évident que le père supérieur tente de gagner du temps. Mais dans quel but ? Permettre aux collabos qui étaient hébergés dans le couvent de prendre la fuite. Oui, mais j'imagine que Vibault a pris ses précautions et que le couvent est décerné. Sans doute, mais il n'empêche que les hommes de la DST vont faire chou blanc. Encore une fois, reportons-nous un instant au récit écrit par Vibault lui-même. Un récit qui ne manque pas de pittoresque. À l'instant précis où je vais lancer l'ordre, la porte de la chapelle s'ouvre et Don Olf Gaillard, le supérieur des bénédictins, apparaît dans toute sa majesté. Par un inexplicable effet de magie, la messe vient de se terminer après trois élévations interminables et avec une rapidité absolument stupéfiante. Le père se fait présenter le mandat de perquisition qu'il lit attentivement et plus longuement. Je me sens bouillir. Puis de nous voir posés, sereines, et comme venus d'un autre monde, il nous demande des explications. Vous êtes soupçonné, lui dis-je, d'abriter dans votre couvent des criminels qui cherchent à se soustraire à la loi. Je n'ai pas à vous répondre, fait dignement Don Olf Gaillard. Tourné vers les moines qui nous entourent et nous observent, il ajoute « Et vous non plus, mes frères, vous n'avez pas à répondre à ces hommes. Votre devoir le plus sacré est de leur opposer un mutisme résolu. Vous ne devez de compte qu'à Dieu et à moi-même. » Très bien, dis-je, mais moi, j'ai un mandat de perquisition et j'entends l'exécuter. Geste hautain du père, nous ne pouvons nous opposer à la justice des hommes. Si Vibault et son équipe font chou blanc, comme vous dites, c'est que les miliciens qui étaient cachés dans le couvent ont réussi à s'échapper. Oui, et les policiers vont découvrir le poteau rose, l'existence d'un souterrain qui a permis aux collabos de fuir. Mais Vibault va quand même obtenir un résultat. Dans la cachette où ils se tenaient, ces hommes n'ont pas réussi à effacer toute trace de leur passage. Donc la preuve que les moines hébergeaient vraiment des clandestins. Incontestablement, d'autant qu'en perquisitionnant, les policiers vont découvrir des faux papiers d'identité, dont certains encore en blanc ne demandaient qu'à être remplis. Mmh. Les moines sont donc confondus. Hein. Oui, mais le père supérieur en tête, il refuse de répondre à toutes les questions des policiers de la DST et des renseignements généraux, provisoirement. La suite est cocasse, je la tiens de la bouche même de Vibault. Bon, je vous écoute. Au cours de la perquisition, les policiers saisissent non seulement de faux papiers, mais quelques brochures très particulières. C'est-à-dire ? Eh bien, certains de ces moines ne se contentaient pas de lire leurs livres de messe. Ils y ajoutaient des ouvrages beaucoup moins orthodoxes et, pour tout dire, carrément licencieux. C'est un gag, hein ? Pas du tout. Et quand le père supérieur a été mis devant l'évidence, il a changé immédiatement d'attitude. C'est-à-dire qu'il voulait bien être accusé de cacher des criminels de guerre, mais il ne supportait pas qu'on dise que ces moines possédaient des ouvrages porno. C'est un petit peu ça, il a commencé à parler. Amusant. En fonction de ces résultats, les perquisitions dans les autres couvents ont donc pu avoir lieu. Oui, d'abord dans la région parisienne. Et des collabos ont été arrêtés ? Oui, et pas des moindres. Une parenthèse ici. J'ai retrouvé dans le journal Le Monde une déclaration du ministre de l'Intérieur, Édouard Depreux, déclaration effectuée au cours d'une conférence de presse tout de suite après ces perquisitions. Elle atteste de l'ampleur de l'opération. Il se trouve des couvents où d'anciens collaborateurs reçoivent protection. C'est dans une quinzaine d'entre eux qu'il fut récemment procédé à des perquisitions. On a arrêté le père Don Salomon, bénédictin supérieur de la maison des pères de Sainte-Marie, rue de la Source, à Paris, où l'on fabriquait de fausses cartes d'identité. Arrêté aussi dans des abbayes, Carrière, condamné à mort par contumace, André Briand, réclamé par la Cour de justice, Dispense, recherché par le tribunal militaire. On saisit également des brochures nazies et le père Don Ténesson fut arrêté à Clamart. On s'aperçut en outre que ces religieux avaient permis le passage à l'étranger d'un espion, chef de bien, de l'ancien chef des renseignements généraux de Vichy et adjoint de Darnan, Jean de Gans, dont Olf Gaillard, supérieur des bénédictins de la rue de la Source, dont André Monnier, supérieur des Fils de la Charité, dont Cormor, supérieur de la maison des Jésuites de Bourg, et M. Quéron, président des jeunesses étudiantes catholiques, ont été conduits devant le juge d'instruction. L'enjeu de tout cela, ce sont les libertés pour lesquelles nous avons combattu. Si la République est abandonnée aux factions, c'est la guerre civile abrévée géance. L'affaire est donc très grave, et immédiatement les réactions sont nombreuses, car il est clair que c'est l'Église tout entière qui est mise en cause. Oui, j'imagine que ces réactions doivent être quand même très partagées. Oui, bah, les communistes hurlent au loup, c'est naturel. Bon. Mais d'autres voix s'élèvent. Albert Camus, par exemple, il proteste contre l'amalgame qui est fait entre ces religieux, qui se sont incontestablement fourvoyés, et l'Église. C'est important que Camus ait tâté. Bien sûr. Mais Camus, comme beaucoup de résistants, met en avant le rôle des communautés religieuses dans l'action clandestine pendant la période de l'occupation. Oui, mais ce qui est au centre du débat, c'est le droit d'asile, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est la défense de tous ces religieux qui sont impliqués, qui disent « Autrefois, nous avons caché des juifs et des résistants. Nous sommes donc dans le droit fil de notre devoir en accueillant aujourd'hui des hommes recherchés par la police. » Pardonnez-moi, mais le parallèle, moi, me paraît douteux. Et puis ces hommes qui dissimulent sont quand même ceux-là même qui torturaient ou déportaient leurs protégés d'hier. Vous avez raison, et certains ne manqueront pas d'ailleurs de leur demander « Auriez-vous accordé l'asile à des hommes recherchés pour des crimes de droit commun ?» Une réponse, alors? Non, le droit d'asile ne leur aurait pas été accordé. Donc, leur choix était politique, hein, quoi qu'ils en disent. Je le pense, moi aussi, et petit à petit, on va mieux le comprendre. Expliquez-moi ça. Au fil des arrestations, qui ne vont plus simplement concerner la région parisienne, mais aussi la province et même la Belgique, on va se rendre compte qu'il existe un réseau d'aide aux collaborateurs très important et parfaitement structuré. Et où se trouvait la tête de cette organisation? À Rome. Vous voulez dire au Vatican? Oui. Mais rassurez-vous, je ne mets pas personnellement en cause le pape, mais quelques hauts dignitaires qui s'étaient assignés comme tâche de secourir les collaborateurs et les anciens nazis. Ça semble quand même difficile à croire, hein? Bien, ne trompez-vous. Il existait à Rome un organisme qui s'appelait la Commission Pontificale d'Assistance. Et dont le rôle était? L'aide aux réfugiés. Tous les réfugiés? En principe, oui. Et en ces années d'après-guerre, il n'en manquait pas. Mais certaines des éminences qui faisaient partie de cette commission préféraient les réfugiés qui venaient d'Allemagne ou qui avaient participé à l'effort de guerre des nazis. Et que faisaient-ils pour eux? Ils les aidaient matériellement, les nantissaient de nouvelles identités, le temps d'organiser leur départ pour l'Amérique du Sud. Des convois partaient régulièrement, et de l'autre côté de l'Atlantique, ces types étaient récupérés, assistés, et dispersés dans les colonies allemandes qui s'étaient peu à peu implantées là-bas. C'est un peu l'histoire du réseau Odessa. Hein? C'est très proche. Ouais. Et nos religieux, à nous, étaient affiliés à ce réseau d'évasion? Oui. Est-ce que ces moines ont été jugés? Bien sûr. Le scandale avait été immense. Et il était difficile d'étouffer l'affaire. Mais les magistrats vont être extraordinairement cléments. Extraordinairement cléments, c'est-à-dire? Ben, certains écoperont d'amendes et de quelques mois de prison, mais la plupart seront seulement condamnés à des peines avec sursis. Mais pourquoi alors un verdict aussi clément? Il me semble évident que les autorités ecclésiastiques ont dû peser de tout leur poids, mais ce n'est qu'une supposition. Et à votre connaissance, est-ce que ce réseau a été entièrement démantelé? Non. Et nous allons revenir à Touvier. Et Paul Touvier, je le rappelle qu'il lui aussi a bénéficié de l'assistance du réseau des soutanes. Oui, toute sa vie, jusqu'à sa capture finale en 1989 dans un monastère intégriste de Nice. On n'en finirait pas de citer tous les religieux et parmi eux d'éminents personnages qui sont venus à son secours pendant presque un demi-siècle. Et tous connaissaient son passé? Sans aucun doute. Et qu'est-ce que ça signifiait alors à votre avis? Deux choses. D'une part, il existait toujours des réseaux secrets à l'intérieur des monastères, de certains monastères en tout cas. Mais des réseaux pour quoi faire? Oh, il ne s'agissait plus de cacher les anciens collabos. D'abord parce qu'à l'exception d'un Touvier qui sera jugé et condamné pour crimes contre l'humanité, les crimes des autres étaient prescrits. Non, il s'agissait de réseaux politiques. L'extrême droite, j'imagine. Vous imaginez assez bien, oui. Et la progression, ces 20 dernières années de la droite extrême, n'est sans doute pas sans rapport avec l'activité de ces moines intégristes. Et la deuxième chose ? Elle explique que l'obstination des religieux à vouloir venir en aide à Touvier. L'ancien milicien ne se déplaçait jamais sans ses archives. Et c'est là le secret de l'affaire Touvier. Et que voulez-vous dire ? Paul Touvier savait beaucoup de choses, et il notait tout. Commencez à comprendre. Vous insinuez que, connaissant en particulier le détail de ce réseau, hein, il était indispensable de le protéger afin qu'il ne parle pas. Mais ça ressemble à du chantage, ça. Hein. Et pourquoi pas ? Touvier était un homme sans scrupules, et je vous en dirai peut-être un peu plus un jour prochain. Et de quoi s'agit-il, hein ? En juillet 1947, Paul Touvier est arrêté à l'occasion de la découverte d'un étrange complot. Encore un ? Oui, le complot du plan bleu. Mais je vous raconterai. Donc, Touvier est interpellé, conduit rue des Saussets dans les locaux de la Sûreté, mais curieusement, il disparaît. Il disparaît, ça veut dire quoi ? Officiellement, il s'évade. C'est très fort. Non ? Une évasion d'un immeuble qui fourmille de policiers. Ouais, alors votre version ? Bon, on l'a laissé partir. Pourquoi ? À votre avis, pourquoi laisse-t-on un criminel de guerre recouvrer la liberté ? Parce qu'il a accepté de parler ou de collaborer. Et voilà, collaborer, c'était sans doute une seconde nature chez cet homme-là. Monsieur X n'a pas voulu m'en dire plus. Mais, vous l'avez entendu comme moi, il me parlera un jour de ce mystérieux complot bleu découvert en 1947. Cette affaire du complot des soutanes ou du complot des capucins a provoqué de nombreux commentaires à l'époque. Je voudrais citer pour finir quelques lignes d'un éditorial de Rémy Roure paru dans Le Monde du 25 mars 1947. La faute de quelques-uns, et s'il est démontré leur crime, autorise-t-il à joindre dans la même propagande d'exécration l'Église tout entière, le clergé et la masse de toutes les soutanes ? Le complot des soutanes. Nous l'avons connu aussi, ce complot, dans les camps de déportation, où les nazis frappaient avec plus de férocité, avec une sorte de sadisme, les déportés en soutanés de la résistance. Et plus loin, Rémy Roure ajoute, nous avons dit cependant ce que nous pensions d'une trop grande partie du haut clergé, trop indifférente au sacrifice pour la patrie et trop servile. Mais rien n'excuse une généralisation qui ne relève que de la haine partisane. Rien n'excuse cela, comme l'a écrit Albert Camus dans Combat. À samedi prochain pour un nouveau rendez-vous avec X.